Monsieur Alain Soral, vous êtes sociologue français et président d'Égalité et de Réconciliation. Je vous remercie infiniment d'avoir eu la gentillesse d'accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Soral, quelle analyse portez-vous sur cette récente décision prise au sein de l'Union européenne pour aller vers un embargo pétrolier iranien? Les pays membres ont dit qu'ils sont parvenus à un accord de principe sur ce sujet. Il y a plusieurs aspects. Déjà que cet embargo est parfaitement inique, puisqu'en fait, on prétend, au nom d'un droit international à géométrie variable, interdire aux Iraniens d'accéder au nucléaire, qu'ils soient d'ailleurs civils ou militaires, alors que ceux qui lui interdisent d'y accéder l'ont déjà, à savoir la France, l'Angleterre, les États-Unis. Et surtout, il y a un pays voisin de l'Iran et qui pourrait justifier d'ailleurs son désir d'accéder à l'arme nucléaire, qui est Israël, qui lui a l'arme nucléaire de manière complètement illégale, on le sait maintenant, grâce au courage de Mordechai Vanunu. Donc ça, c'est la première partie de l'analyse. Il n'y a pas de raison d'embêter l'Iran, surtout que l'Iran n'a jamais été un pays expansionniste, qui n'a jamais mis en danger ses voisins. Donc voilà, il n'y a aucune raison d'harceler l'Iran sur cette question. Et le deuxième aspect, c'est que traditionnellement, la France, sur ce genre de dossier, était, je dirais, dans une position neutre de type gaullienne, alors que depuis quelque temps, et c'est bien évidemment lié à la présidence Sarkozy, nous sommes en pointe sur le combat, je dirais, comment dirais-je, impérial, et souvent même devant les Américains. Et systématiquement avec les Anglais, ce qui, bon, ça se comprend pour les Anglais, de par leur histoire, mais pour la France, c'est vraiment une trahison d'une tradition gaullienne de neutralité, de politique équilibrée et intelligente par rapport au Moyen-Orient. Et c'est effectivement assez scandaleux de ce point de vue-là. C'est en plus dangereux, puisqu'on sait très bien que s'il y a un embargo pétrolier contre l'Iran, il y aura une escalade qui va toucher le détroit d'Ormuz, et c'est le genre de mesures inconsidérées et injustifiées qui peuvent amener à quelque chose qui serait pas loin de la Troisième Guerre mondiale. Monsieur de Soral, vous dites que en fait c'est malheureusement l'abandon de la politique gaullienne de la France. Qu'est-ce que, d'après vous, gagne la France en contrepartie de l'abandon d'une telle politique et pour en fait s'aligner totalement sur la politique de Washington sur ce sujet? Malheureusement, je pense que la France n'y gagne pas grand-chose. Je pense que c'est plutôt que nous avons à la tête de l'État français, depuis l'éviction du général de Gaulle d'ailleurs par l'espèce d'escroquerie de mai 68, une élite, comment dirais-je, qu'on appelle comprador et traître, un peu comme à l'époque qui a précédé l'époque de Jeanne d'Arc, où nos élites en réalité trahissent systématiquement le peuple de France et les intérêts supérieurs de la France pour s'aligner sur les intérêts américano-anglo-sionistes, et que donc je ne pense même pas qu'il y ait un volet d'intérêt dans cette histoire, comme on pourrait peut-être le penser en Libye par rapport à la logique pétrolière. Je pense que c'est simplement que les élites françaises appartiennent toutes, en fait, quand on le regarde, à des think tanks, à des réseaux, à des lobbies pro-américains, hein, notre président de la République en tête, qui se faisait appeler Sarkozy l'Américain aux États-Unis, et que nos élites politiques sont entièrement vendues, c'est le mot, aux intérêts américains et israéliens. Hein, voilà. Donc il s'agit en réalité même pas d'intérêts supérieurs de la France, mais d'une haute trahison des élites françaises au regard des intérêts français bien compris qu'incarnait la politique gaullienne et qui s'est maintenue bon gré mal gré jusqu'à Chirac et Villepin. Monsieur de Soral, une dernière question. Si les Européens décident définitivement d'imposer un embargo pétrolier à l'Iran, quelle en sera la conséquence immédiate, d'autant plus que l'Iran aussi a menacé, comme vous l'avez en fait venu d'y faire allusion, a menacé de bloquer le détroit d'Ormuz si ses intérêts vitaux seront menacés? On voit très bien qu'effectivement les Iraniens auraient tout à fait raison, comment dirais-je, de se défendre par ce moyen de pression qu'ils ont, qui est la fermeture du détroit d'Ormuz, par lequel passe entre 30 et 40% de la circulation du pétrole mondial, ce qui veut dire que ça bloquerait les approvisionnements en pétrole, ça ferait monter terriblement le prix du pétrole, ce qui sans doute pourrait faire l'intérêt de certains groupes de spéculateurs, hein, comme c'est toujours le cas. Mais surtout, comme la cinquième flotte n'est pas loin, ça pourrait être le phénomène déclenchant d'un conflit d'abord régional, mais qui est à portée mondiale, qui serait un début de guerre entre l'Iran et les États-Unis, pour le déblocage du détroit d'Ormuz, voilà, et surtout une attaque à la souveraineté iranienne. Et peut-être que c'est ce que veulent finalement les impérialistes pour masquer par une logique de guerre leur faillite économique à cause comment dirais-je, de la déréglementation financière que Wall Street a imposée au monde et qui a poussé notamment même d'ailleurs beaucoup de pays de l'Union européenne au chaos économique et social. Donc on est là finalement, et la France se retrouvant en pointe dans ce processus honteux, dans quelque chose qui est la volonté plus ou moins inconsciente ou consciente de déclencher un conflit guerrier en rendant l'Iran responsable, alors que l'Iran n'y est en réalité pour rien, puisqu'il mène une politique régionale qui ne défend que ses intérêts propres sans volonté expansionniste. C'est plutôt un pays qui se protège et se défend des agressions extérieures. Et là, on rentrerait dans une logique de guerre, en réalité voulue par les impérialistes derrière l'Amérique, pour cacher une faillite bancaire mondiale dont ils sont responsables, en essayant effectivement d'impliquer dans une guerre l'Iran. Et derrière, qui y a effectivement... Il y a intérêt en plus de cette logique économique, évidemment l'État d'Israël qui pousse depuis des années les États-Unis à attaquer l'Iran. Donc on serait dans ce scénario effectivement d'une agression de l'Iran, finalement dans laquelle la France aurait une responsabilité à cause de ses décisions sur l'embargo, et qui finalement masquerait le chaos économique et financier dû à l'Empire américain et à Wall Street, et finalement dans l'intérêt supérieur d'Israël. Voilà à peu près les cartes et la façon dont il faut lire la situation actuelle, ce que les médias français ne font absolument pas. Ils se comportent de manière honteusement mensongère, et on est déjà de ce point de vue-là dans de la propagande de guerre depuis des mois sur la situation iranienne comme syrienne d'ailleurs.